Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. ICO, les cartographes prennent le large. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis. Mais ils n'avaient pas de cartes, ces marins, ces capitaines. En 1840, Victor Hugo nous embarque dans Océano Nox. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Les marins ont disparu, mais il nous reste leurs cartes. Emmanuel Vagnon, bonjour. Bonjour. Ces cartes venues du passé, ce sont des œuvres d'art? Alors, nous parlerons aujourd'hui des cartes marines, hein, des cartes de navigation du Moyen-Âge, qui sont effectivement, dans les exemplaires qu'on a conservés, des œuvres d'art magnifiques, absolument. Il y a une émotion devant ces cartes, toujours dans leur matérialité. Que sont-elles, ces cartes, déjà dans leur dimension? Il y a toutes les formes? Les cartes marines sont des cartes dessinées sur une peau de parchemin entière, c'est-à-dire une peau d'animal, dont on conserve à peu près la forme, on voit le cou, les pattes de l'animal souvent. Et donc elles mesurent à peu près un mètre de long et sont parfois assemblées en plusieurs feuilles de parchemin. Donc ce sont des cartes de différentes dimensions, mais la matrice de ces cartes, c'est une peau de mouton, on va dire, qui représente la Méditerranée, les côtes de la Méditerranée et quelques espaces autour de la Méditerranée. Vous avez posé déjà le problème, hein. Emmanuel Vagnon, historienne médiéviste chargée de recherche au CNRS, avec cette idée des côtes, du littoral en fait. Ce qui intéresse principalement ceux qui réalisent les cartes marines et puis ceux qui vont les utiliser, ce sont les littoraux. Oui, ce qui caractérise ces cartes, c'est justement de ne représenter que les littoraux et très peu d'éléments géographiques à l'intérieur des terres. On les appelle aussi des cartes portulans parce qu'elles représentent les ports, la succession des ports, le long des côtes, le long du littoral. Et alors justement, dans cette réflexion autour de ce qu'est une carte, je crois qu'il est nécessaire, et ça fait toujours du bien, de rappeler les définitions de base, parce que beaucoup de mots sont utilisés, il y a un très riche vocabulaire. Alors qu'est-ce qu'une map monde dans cette histoire? Une map monde au Moyen-Âge, ça désigne toute représentation géographique sous forme graphique. Mais dans le vocabulaire des historiens aujourd'hui, on distingue différentes catégories de cartes. Les maps mondes représentent l'ensemble du monde. L'ensemble du monde connu en réalité, le cumène, l'espace habité, sous une forme plus ou moins schématique, hein, soit sous une forme de cercle représentant les trois parties du monde qu'on connaissait avant la découverte de l'Amérique, ou bien de manière beaucoup plus détaillée, l'ensemble du monde avec ses reliefs, ses paysages, etc. Là, on parle de cartes marines, c'est-à-dire des cartes régionales, des cartes nautiques qui représentent essentiellement les littoraux. Donc le vocabulaire spécifique utilisé par les historiens français, c'est carte marine, mais on rencontre aussi le terme carte portulan, qui est finalement un néologisme inventé par les historiens à partir du terme portulan, qui est un livre d'instruction nautique. Oui, parce que nous avons bien défini là, cette question d'échelle. Hein. Avec la map monde, nous sommes sur l'ensemble du monde et avec la carte marine, nous sommes sur une région. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Franck Lestingan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature française à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la Renaissance. Et justement, spécialiste de la littérature française, en quoi ces cartes entrent dans votre champ de recherche? Alors, oui, je suis aussi un peu spécialiste des cartes, de l'histoire des cartes. Là, je me suis intéressé en particulier à la cosmographie universelle de Letestu. Alors, le terme de cosmographie est tout à fait intéressant. C'est la description de l'ensemble du monde, du cosmos. Cosmographie, c'est pas la cosmologie, hein. C'est cosmographie, c'est la Terre. C'est la description de la Terre vue de l'extérieur. Et cette cosmographie universelle de Guillaume Letestu est en fait un atlas. C'est un recueil de cartes, hein. Il y a 56 cartes, qui sont des cartes dessinées, non pas sur parchemin, sur peau, mais sur papier. Et c'est un tout à l'heure, on a dit que les cartes étaient dessinées au bateau. Oui, il y a des cartes qui partaient en mer, qui finissaient en mer souvent d'ailleurs, mais il y a des cartes qui restaient à terre et qui étaient offertes à des gentilshommes, à des personnages importants qui finançaient les expéditions, par exemple. Donc c'était des cartes de prestige, comme cette cosmographie universelle qui a été dédiée à l'amiral de Coligny, le fameux amiral de Coligny qui sera tué à la Saint-Barthélemy, comme chacun sait, mais qui était amiral de France, donc qui était responsable des expéditions qui partaient des ports de Normandie. Oui, parce que quand nous parlons de ces cartes marines, il y a plein de types différents. Nous avons cette utilité pour connaître les noms des ports et où nous nous trouvons. Il y a également les cartes de prestige. Je me sens obligé d'avertir ceux qui se servent de cartes marines qu'ils s'en trouvent de manuscrites si éclatantes d'or, d'argent, d'azur et d'autres belles couleurs que souvent elles ont place dans les cabinets des grands et des curieux. Et que néanmoins, la plupart de ces cartes sont fausses, étant copiées sur d'autres cartes extraordinairement fautives et faites il y a plus de 100 ans. Alors, c'est un jugement extrêmement intéressant, porté au XVIIe siècle, en 1664, quand il est question, par Pierre Duval, de la carte générale, des cartes particulières, des côtes de la Méditerranée. C'est une lecture dans le cours de l'histoire de Daniel Königsberg. Là, quand nous entendons quelque chose comme ça, Emmanuel Vagnon, alors, bien sûr, nous sommes très tard, mais c'est, enfin, très tard, c'est en 1664. Non, mais c'est un jugement de valeur sur ces cartes médiévales. C'est encore plus tard, là, aujourd'hui. Oui, alors pour effectivement un spécialiste des cartes du XVIIe siècle, les cartes médiévales sont obsolètes. Elles ne représentent pas l'espace réel. Mais il faut bien comprendre que cet outil de navigation, qui était aussi une des cartes offertes effectivement en cadeau à de grands personnages, correspondait aux besoins et aux savoirs de leur époque. Donc rapidement, en effet, la succession des ports pouvait devenir obsolète, mais l'image générale de la Méditerranée était aussi une mémoire de ce qu'était la Méditerranée à la fin du XIVe, au XVe siècle, au XVIe siècle. Et donc cette image de la Méditerranée et même des autres espaces était appréciée pour sa valeur historique dans les cabinets des grands. Et les cabinets des grands, justement, qui sont toujours en quête de prestige. Alors le prestige par une carte, c'est quelque chose de très fort. Hein. Ça montre qu'on est riche, qu'on maîtrise le monde presque, Franck Lestringon. Les cartes, même les cartes actuelles, ne sont pas forcément exactes ni réelles. Il y a des cartes fictives. Dans l'atlas de Le Testu, pour revenir à cet atlas de 56 cartes donc qui a été terminé en 1556, il y a des cartes qui ont été faites, dit Le Testu, c'est dans la légende, dans la page opposée à la carte, qui ont été faites par imagination. Le terme imagination revient 3 ou 4 fois. Donc il y a une dizaine de cartes au moins qui représentent la Terre australe, fictive. Donc c'est pas l'Australie actuelle, c'est une Terre beaucoup plus grande qui joindrait la Terre de Feu à Java et qui ferait le tour du monde. Et cette Terre australe, cette immense Terre australe est représentée par la plupart des cartographes, par Ortelius, par Mercator plus tard, et ça se trouve évidemment chez Le Testu. Pourquoi cette Terre australe? Parce que la France rêve d'un empire. Rêve de construire un empire, et il faut de la place pour faire un empire. Et l'Amérique est déjà prise, l'Afrique est pas très attirante, enfin, on fait le tour de l'Afrique, mais on la colonisera beaucoup plus tard. Et l'Asie, offre une certaine résistance, si je puis dire. Donc, ce continent austral, on l'imagine, donc, un immense continent qui va depuis la Terre de Feu jusqu'à Java. Terre de Feu jusqu'à Java, mais ça, c'est la démarche de Le Testu dans sa cosmographie universelle que vous avez publiée, hein, Franck Lestringon. Et justement, là, nous avons la carte de prestige avec un peu d'imagination, mais il le dit lui-même, Le Testu, en fabriquant ces cartes. Emmanuel Vagnon, j'imagine que quand ces cartes ont une vocation à être utilisées par des marins, pas question d'imaginer. Alors là, ça poserait un véritable problème. On trouve plusieurs types de cartes en réalité. Celles qu'on a conservées sont le plus souvent des objets culturels, des objets de prestige extrêmement ornés. Donc on n'a pas vraiment idée de ce qu'étaient les cartes des pilotes qui existaient à bord. Certainement des cartes plus précises, des cartes beaucoup plus localisées en réalité, à plus grande échelle, et qui véritablement servaient d'outils techniques, notamment lorsque le bateau se perdait en mer. Ces cartes-là, on les a pas conservées. On a conservé plutôt des images généreuses, très ornées, très belles, pour des puissants, pour leur représenter le monde ou un espace du monde. Néanmoins, le rapport entre l'outil technique et l'objet culturel est toujours présent. Et il est intéressant de voir que Guillaume Le Testu, dans cet atlas du monde entier, cette cosmographie, utilise les techniques des cartes marines pour représenter le monde, même des espaces imaginaires. Donc on voit bien ce rapport entre les deux. Néanmoins, on voit bien aussi sur les cartes sur parchemin que le cartographe ne représente que les espaces qui intéressent son commanditaire. Donc il ne représente pas le monde entier, il ne représente même pas toute la Méditerranée. Dans les atlas, par exemple, les cartes sont découpées selon l'espace qui intéresse à ce moment-là le commanditaire. Avec toujours cette question du connu et de l'inconnu, du ici et de l'ailleurs. Ailleurs, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier pour les hommes de la fin du XVe siècle? Madame Monique Pelletier, responsable de ce département des cartes, nous a montré ce magnifique portulan attribué à Christophe Colomb lui-même. Alors qu'est-ce que l'on voit ? À droite, l'Europe et l'Afrique, déjà bien dessinées, avec des lignes de repères. À gauche, pas grand-chose. Le paradis terrestre, peut-être. En fait, il n'y a rien sur cette carte. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses. D'abord, si elle est de Colomb, il faut dire que Colomb était un grand cartographe, parce que c'est une très belle carte. Et d'autre part, il y a quand même cette part de rêve qui est indispensable à toute grande expédition. Christophe Colomb et la cartographie présentée sur France 2 en 1992. Emmanuel Vagnon, oui, nous avons une carte utilisée par Christophe Colomb. Ou c'est plus un grand fantasme? C'est un grand fantasme. Les historiens et encore plus les conservateurs de bibliothèques aiment bien attribuer aux grands hommes célèbres des documents qui se trouvent dans leurs archives. Enfin, en réalité, on n'a pas de preuves réelles, complètement concluantes, disant que cette carte a appartenu à Christophe Colomb et encore moins qu'elle a été dessinée par Christophe Colomb. Donc il y a des éléments qui permettent de la dater de cette époque-là, qui permettent de faire un rapprochement avec les spéculations de Christophe Colomb sur la découverte d'un nouveau continent. Mais en réalité, non, on ne peut pas l'attribuer formellement à Christophe Colomb, elle n'est pas signée. Voilà. Après, je réagis aussi à ce qu'on entend là. Il n'y a pas grand-chose sur cette carte, c'est imaginaire, etc. Il y a énormément de contradictions dans ce discours. En réalité, cette carte est très intéressante. Elle contient énormément d'informations géographiques. Elle contient aussi toute une histoire de l'humanité à la façon des maps mondes. Et elle permet aussi de spéculer sur l'existence d'un nouveau continent. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est très riche. Et puis, dans ces cartes, il y a effectivement énormément de niveaux de lecture. Il y a la lecture première avec l'information, avec un lieu. Et puis surtout, tout ce que cette carte véhicule de représentation, Franck Lestringant. Oui, bien sûr. Il faut aussi rappeler que la carte n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est toute une équipe qui travaille sur une carte. Il y a bien sûr, il y a les relevés côtiers dont Emmanuel a parlé, qui sont précis par endroit et par endroit totalement imaginaire. Et puis, il y a l'intérieur des terres. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Alors, dans les portulans qu'on utilise, qu'on embarque sur les navires, on ne met rien, il n'y a rien. Mais dans la cosmographie universelle de Letestu, on va remplir l'intérieur des terres, alors soit de contours vagues, soit de bêtes féroces. On va mettre des monstres et prodiges. On va remplir le fond de l'Asie, par exemple. Tout le trajet que Marco Polo a suivi en direction de la Chine à travers la Mongolie est rempli de créatures fantastiques. Il y a les colonnes d'Alexandre que Marco Polo a rencontrées. Il est passé entre les colonnes d'Alexandre, donc ils sont représentés en Assyrie. Et puis plus loin, on a les imantopodes, les sciopodes, les blémies, tous les peuples monstrueux que Pline imaginait dans son histoire naturelle. Donc, ces cartes contiennent, comme on l'a dit, par endroit, des informations précises, remarquablement précises, et dans d'autres, c'est de purs fantasmes, de pures représentations qui viennent, on reprend des images qui viennent du Moyen-Âge, qui viennent même de l'Antiquité, et qu'on projette sur ces cartes. Donc on a un espace très hétérogène, très divers, qui est parfaitement rempli, mais d'éléments complètement hétérogènes, d'éléments qui relèvent de relevés côtiers, et puis d'éléments complètement fantastiques. Dans la cosmographie universelle de Letestu, nous avons quelque chose, et nous l'entendons depuis que nous en parlons là dans le cours de l'histoire, de presque ultime dans sa volonté de reprendre des éléments de cartes marines et d'y ajouter, en fait, tout un imaginaire qui vient de loin, qui vient du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité. Vous avez cité Pline. Mais dans les cartes marines, Emmanuel Vagnon, j'ai envie de dire les plus simples, les plus utiles. Est-ce qu'il est aussi nécessaire de laisser une part à l'imaginaire en remplissant les vides, où nous avons vraiment des cartes très pures, où il y a juste des traits pour les littoraux et puis des petits noms pour les ports? La notion de pureté, bon voilà, c'est quelque chose d'assez relatif. Non, il existe des cartes qu'on va dire très sobres, c'est-à-dire qui se limitent à représenter les littoraux et les ports. Et puis, on a très rapidement, mais dès le début du XIVe siècle, des cartes qui contiennent de ce qu'on appelle des vignettes urbaines, c'est-à-dire des petites représentations des villes sous forme de châteaux, un peu comme dans les miniatures médiévales. Et puis aussi des étendards qui représentent les puissances politiques. Ensuite, un petit peu d'éléments à l'intérieur des terres, des fleuves, des montagnes. Et puis, dans les cartes les plus ornées, et cela, ça dépend de la commande de qui a été faite au cartographe, eh bien, il y a ces éléments, pas forcément d'imaginaire, mais d'histoire, c'est-à-dire d'histoire culturelle, qui racontent, par exemple, l'histoire biblique, qui peuvent raconter aussi l'histoire antique, qui peuvent faire référence à ces peuples monstrueux, mais là, s'adressant à un public vraiment cultivé, qui est au courant de ces légendes-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans les archives ces documents de commande qui expliquent que le cartographe devra mettre un certain nombre de pavillons, de monstres, de personnages pour compléter finalement les espaces vides. Oui, parce qu'il faut compléter les espaces vides. Non, mais le vide, c'est quelque chose, c'est comme la pureté, c'est quelque chose qui fait peur. Complétons les espaces vides sur les cartes médiévales. Cette idée qui est courante dans la pensée cosmogonique et géographique du Moyen-Âge, c'est que le monde se partage en deux parties. L'une qui est le monde organisé, l'autre le monde de la forme. Et par conséquent, il y a, et en réalité à la base, c'est Aristote que nous trouvons, un monde civilisé et un monde qui ne l'est pas. Mais le monde informe, c'est le chaos. Le chaos figure dans une certaine mesure dans ces survivances d'êtres fantastiques que nous trouvons répartis ici et là. On le trouve représenté, par exemple, sur la partie droite de cette carte, avec des êtres qui ont des formes humaines, mais pas uniquement humaines, des animaux difformes, qui sont, en somme, ce monde de l'informe, ce monde sauvage que l'homme doit dominer, mais qu'il ne domine pas encore. La carte médiévale présentée sur TF1 en 1979, une archive très riche où nous entendons Edmond Pognon, conservateur au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale. Emmanuel Vagnon, peut-être que depuis, l'historiographie a fait que le regard a changé sur ces cartes. Le monde tel qu'il est présenté sur ces cartes médiévales n'est pas un monde uniquement binaire, avec, nous entendions ce mot, chaos. Oui, je suis étonnée de cette réflexion qui est peut-être bien datée historiographiquement de penser que le Moyen-Âge voit le monde, ou même la Renaissance, voit le monde comme un espace civilisé et puis un espace sauvage. Je pense que c'est plutôt une vision peut-être moderne. Mais les cartes médiévales, les map-mondes et même les cartes marines ordonnent le monde, en effet. Et il me semble, mais là je vais laisser parler Franck Lestringant, que dans la cosmographie de Guillaume Le Testu, même les espaces sauvages m'ont l'air très ordonnés, sont très organisés. Oui, dans Le Testu, c'est pas du tout chaotique, c'est au contraire, comme je disais tout à l'heure, tout est rempli, tout est représenté, même ce qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide du tout dans la cosmographie universelle, il n'y a pas de vide. Alors le problème, c'est qu'il y a des espaces que j'ai qualifiés d'hétérochrones, qui ont été cartographiés à différentes époques, selon divers états de la connaissance générale du monde. Par exemple, on a deux cartes du Canada, une carte du Canada avant Cartier, avant la navigation de Jacques Cartier et de Robert Val, et il n'y a pas de Saint-Laurent, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'échancrure dans ce bloc du Canada, et puis une carte récente qui enregistre les découvertes de Cartier, avec l'île d'Orléans, avec Terre-Neuve, qui est une île, et puis on peut remonter à l'intérieur du continent, et on espère, comme Cartier, traverser le continent vers la Chine. Et la Chine, vous savez que c'est un lieu dit, un nom de lieu au Canada, près en aval de Montréal. Il y a les rapides de la Chine, en un seul mot, mais c'est la Chine qu'on cherchait au-delà, par ce fleuve, on remontait le Saint-Laurent, on espérait rejoindre la Chine, en faisant le tour, en quelque sorte, en traversant tout le continent américain. Avec Le Testu, au milieu du XVIe siècle, nous avons une proposition en plus qui attire notre regard, parce que Le Testu s'intéresse à des espaces qui sont peu représentés. C'est ça qui est très fort aussi, c'est que l'Amérique veut dire quelque chose. Le Testu, effectivement, connaît très bien le rivage atlantique de l'Amérique. Il y a une description très précise et une ornementation. Enfin, il y a des toponymes tout du long. Tout du long, la côte est jalonnée de toponymes, de coronymes. Tout est connu. En revanche, sur le Pacifique, les représentations sont beaucoup plus fantaisistes. Alors, le Pérou est évidemment représenté, mais la côte n'est pas du tout rectiligne ou presque rectiligne comme elle est aujourd'hui. C'est une côte très très indentée et il y a des scènes, il y a une scène extraordinaire qui montre bien que le Testu était d'origine protestante sans doute, et comme beaucoup de cartographes diepois, on voit les Espagnols en train de massacrer des Indiens. Hein, c'est la fameuse leyenda negra. On voit donc des conquistadors en train de couper les mains et les têtes des Indiens qui s'opposent à eux. Hein, donc ça, c'est un signe. Donc on voit que ces cartes, en fait, non, il n'y a pas de vide en elles, pas du tout. Hein, elles sont très remplies, mais même y compris de choses qui n'existent peut-être pas, dit le Testu. Et avec le Testu, nous nous trouvons en Normandie. Donc il y a un foyer de cartographes normands. Effectivement, oui, les ports de Rouen, du Havre qui vient d'être fondé. Enfin, alors, dans ces villes, ont travaillé des cartographes qui n'étaient pas seulement normands, mais aussi portugais. Hein. On soudoyait en quelque sorte des cartographes portugais qu'on faisait venir en Normandie et qui faisaient des cartes, ils savaient faire les cartes des régions qu'ils avaient visitées ou que les Portugais avaient visitées. Alors, dans la cosmographie universelle de Le Testu, on a quantité de toponymes et coronymes d'origine portugaise, mais qui sont mal recopiés, hein, avec des fautes. On voit que c'est un Français, sans doute, qui a recopié ces toponymes en les écorchant. Et on avait le projet de faire un relevé, ce serait très utile de faire un relevé complet des coronymes et toponymes qui sont dans ces cartes, mais il y en a des milliers et des milliers. Oui, parce qu'il y a des milliers de références dans ces cartes. Alors, il y a des coronymes latins, bien sûr, il y a des formes latines, et puis des formes portugaises, des formes françaises, parfois. Et justement, dans la production de ces cartes, Emmanuel Vagnon, alors, petit foyer normand, formidable, mais pas seulement, évidemment. Non, Dieu merci. Alors, ces cartes ont été inventées au Moyen-Âge, à la fin du XIIIe siècle, peut-être même avant, au XIIe siècle. Mais le plus ancien exemplaire conservé date de la fin du XIIIe siècle. Et on situe, on va dire, les débuts de cette cartographie plutôt en Italie, mais aussi à Majorque. Et le XIVe siècle et XVe siècle, ce sont les principaux foyers de création des cartes, c'est-à-dire en Italie du Nord, vers Pise, Gênes, et puis Venise, et aussi sur l'île de Majorque et à Barcelone. Donc, les cartes médiévales, véritablement, relèvent de ces deux grands foyers de création. Et à partir de la fin du XVe siècle, d'autres régions prennent le relais de cette fabrication des cartes avec des cartographes portugais notamment, mais on a perdu les premières cartes portugaises à la fin du XVe siècle. Et puis, très rapidement, des autres nations maritimes, la France, l'Angleterre, enfin les royaumes qui se lancent dans la conquête de l'Atlantique, et puis les Hollandais, se mettent à fabriquer aussi des cartes sur des modèles d'abord méditerranéens et ensuite en intégrant les nouvelles connaissances géographiques qui sont liées à ce qu'on appelle encore les grandes découvertes. Chaque foyer de production a ses spécificités. Une carte est identifiée d'Italie du Nord, identifiée de Majorque, ou alors c'est un schéma absolument similaire? Alors, du point de vue, oui, je vais d'abord parler. Donc, du point de vue artistique, on distingue des styles. Mais ces styles sont quand même très perméables, c'est-à-dire que on peut avoir une carte de Majorque très sobre et une carte vénitienne au contraire très ornée. Mais globalement, c'est vrai que les cartes majorquines sont des cartes justement de prestige avec des éléments à l'intérieur des terres, et les cartes vénitiennes sont souvent des atlas et des atlas plutôt sobres. Mais voilà, ce sont deux grandes familles générales avec des circulations de personnes et des circulations de styles qui dépendent de la commande, encore une fois. Franck Lestringon. Oui, et alors pour revenir à l'école de cartographie normande, enfin à l'école de qu'on a parfois surnommée l'école de Dieppe, il y a des particularités. Souvent, on revoit les mêmes personnages d'un atlas à l'autre, d'une carte à l'autre. Donc, il y a les mêmes artistes qui travaillaient sur différentes cartes, sur les cartes de différents cartographes. Et ça crée donc des écoles ou des familles de cartes qu'on peut regrouper et dont il manque la plupart, dont on a gardé quelques exemplaires, mais la plupart des cartes manquent. Justement, vous parlez d'artistes. Ces cartes sont-elles signées? Sait-on qui réalise ces cartes, Emmanuel Vagnon? La signature des cartes, oui, commence assez tôt. Début du XIVe siècle, le premier cartographe à signer ces cartes, c'est Pietro Visconti de Venise et de Gênes. Néanmoins, quand il signe la carte, ça ne veut pas dire qu'il l'a faite toute seule. Et il ne s'intitule pas lui-même cartographe, d'ailleurs. Hein. Comme le disait Franck Lestringant, ces cartes sont plutôt des produits d'un atelier. Un atelier qui fait intervenir, bon, peut-être les connaissances d'un pilote, mais aussi des artistes, des érudits qui copient des petits textes aussi, d'explicatifs, hein, parce que ces cartes sont couvertes de légendes textuelles. Plusieurs personnes interviennent, et celui qui signe la carte quand elle est signée, c'est le chef d'atelier, c'est le patron de la bottega artistique, on va dire. Néanmoins, beaucoup de cartes ne sont pas signées du tout. Et c'est par leur style qu'on parvient à les rattacher à un artiste ou à une école, comme on dit, artistique. Voilà, et nous ne sommes pas du tout dans un monde religieux de production. C'est vrai que nous avons ce schéma du moine copiste, etc. Non. C'est pas du tout ça. Des ateliers qui travaillent pour qui, en fait? Ce sont des commandes. Alors, pour les cartes de prestige, on imagine bien que ce sont des puissants. J'ai évoqué tout à l'heure l'amiral de Coligny, qui n'est pas particulièrement catholique. Très protestant. Non, mais c'est ça, hein, c'est des commandes, des dominants, enfin, dans un schéma de prestige complètement classique. Et après, des marchands, sans doute. C'est souvent le dédicataire qui a payé l'atlas, qui a payé la main d'œuvre pour établir l'atlas. Donc l'atlas lui est dédié parce qu'il l'a payé, quoi. Il l'a fourni. Et dans le cas de Coligny, c'est très intéressant parce que Coligny est un chef militaire, comme on sait, mais c'est aussi un ministre, enfin, on pourrait dire un ministre de la mer. C'est lui qui a projeté les principales colonies protestantes, les colonies françaises, excusez-moi, pas protestantes forcément, mais colonies françaises du XVIe siècle, au Brésil, la France antarctique, et ensuite la Floride. Il y a deux colonies importantes, enfin, avec toute une série d'expéditions. Ensuite, malheureusement, Coligny s'est tourné vers les guerres de religion, exclusivement. C'est bête. Mais c'est d'abord, il a exercé son rôle d'amiral de France pendant plusieurs décennies. Et or, les cartes de prestige, pour une carte marine, ce sont des marchands qui vont les commander? Comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne le Moyen-Âge, ces cartes, en effet, ne relèvent pas du religieux, ne relèvent pas d'une production monastique. Il existe cependant quand même quelques prêtres qui ont signé leurs cartes. Ça veut dire que l'Église n'était pas complètement indifférente au progrès de la cartographie. Donc ça, c'est intéressant d'une part, hein, de voir qu'il y a des correspondances. Il n'y a pas de frontières hermétiques entre un milieu ecclésiastique d'une part avec des maps-mondes et puis un milieu de marins qui ferait des cartes pratiques. On voit souvent ça, mais en fait non, il y a énormément de correspondances entre les deux. Et dans les commandes qu'on peut connaître pour le Moyen-Âge, oui, en effet, il y a des commandes de marchands. Des marchands qui étendaient leur commerce sur tout l'espace méditerranéen, voire l'espace atlantique et la mer Baltique, et qui avaient besoin de ces cartes, non pas vraiment pour préparer un voyage, ni pour s'en servir à bord, loin de là, mais peut-être pour se remémorer, pour se rappeler finalement les espaces commerciaux qu'ils fréquentaient. ICO, les cartographes prennent le large, carte marine, portulan, compas, sextant, cap sur le Moyen-Âge et sur la Renaissance. Drôle d'objet. C'est un astrolabe. Il permet de se repérer dans la voûte céleste. France Culture. De tracer l'image de la carte du ciel. Le cours de l'histoire. Les astronomes et les navigateurs s'en servent pour suivre l'évolution de la position des astres, de jour comme de nuit. Pour nous aider à voir le visible. Xavier Mauduit. Et l'invisible. Justement, les cartographes ne travaillent pas seuls et ne travaillent pas uniquement avec des textes qui leur proviennent d'ici et de là. Emmanuel Vagnon, c'est un monde entier, c'est vraiment un travail d'équipe énorme. Et puis, il y a toutes ces connaissances qui viennent, alors des marchands et des explorateurs, mais enfin, bien souvent, des marchands. Alors, les connaissances géographiques viennent des échanges marchands, essentiellement, en effet, avec des transmissions qui ne sont pas encore très bien connues. C'est-à-dire que les toponymes nouveaux qu'on voit apparaître sur les cartes parviennent aux cartographes par des circuits qui nous sont étrangers. On ne sait pas d'où viennent ces toponymes, souvent par transmission orale, certainement. Et puis, il y a des connaissances techniques, et des connaissances techniques qui évoluent, parce que ces cartes, on ne l'a pas dit encore, sont fondées sur l'usage de la boussole à partir du XIIIe siècle, ou même peut-être XIIe siècle. Et puis, peut-être petit à petit, des nouvelles techniques de navigation permettent de quitter la Méditerranée et de se lancer dans l'Atlantique. Donc, la navigation côtière, le cabotage, ou la navigation à l'estime, qui est à la base, finalement, de ces cartes, est remplacée, ou peut progressivement... secondé plutôt par la navigation astronomique, c'est-à-dire l'observation des astres, lorsque les côtes sont invisibles et surtout qu'on navigue dans des espaces qui sont totalement inconnus. Donc il faut bien comprendre que ces cartes ne servaient pas à naviguer au sens où elles permettaient de montrer la route. Elles étaient plutôt un répertoire dans lequel on enregistrait les nouvelles connaissances qui arrivaient petit à petit grâce au relevé des pilotes. Donc il faut bien comprendre que ces cartes sont plutôt un objet d'enregistrement des connaissances plutôt qu'un objet qu'on emporte dans sa poche pour pouvoir guider la navigation. Bah oui, parce que si on part vers des territoires inconnus, c'est sûr que sur la carte, oui, il n'y aura rien dessus. Ce caractère inconnu, cette partie inconnue des atlas ou des cartes explique aussi que des pays ou des régions se déplacent. Enfin, les îles en particulier, les îles de Madagascar, par exemple, dans la tasse de Le Testu, pour en revenir encore à lui, bougent énormément. La Nouvelle-Zélande aussi, elle se déplace à travers le Pacifique Sud. Donc on a des espaces mobiles parce que la carte est un montage, c'est un montage d'objets qui ont été observés, mais pas par le même, pas par les mêmes, pas par la même expédition forcément, mais qu'on a essayé de rabouter, hein, pour employer encore une expression de Tessier, on a essayé de mettre ensemble des choses disparates. Donc on a le Madagascar qui est peuplé de cannibales et qui se déplace entre l'Afrique et puis la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui se retrouve en plein Pacifique, etc. Des informations qui viennent, nous l'avons dit, des marchands. Et alors, d'autre part, nous avons une des premières représentations de l'Australie. Là, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a la côte nord de l'Australie qui est très précisément représentée, sans doute d'après des expéditions portugaises. Et ça a été copié sans doute d'un atlas portugais datant des années 1520. Donc, des informations qui viennent des atlas qui sont copiés, des marchands, des explorations, et ne les oublions pas, des corsaires et des flibustiers. Bien sûr. Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires, ils s'en allaient. Le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires au jour le jour. Mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Il s'en allait. Le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires au jour le jour. Mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. Les corsaires, chantés par François de Gaël, tenant le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour, le cours de l'histoire qui prend le large avec les cartographes. Dans ces cartes que nous évoquons depuis le début de cette émission, nous avons des espaces vraiment différents entre les cartes de prestige, voire les maps mondes qui peuvent représenter le monde, et puis ces cartes marines avec une certaine utilité. Emmanuel Vagnon, vous nous avez dit que l'espace méditerranéen est un espace très représenté. Je voudrais savoir si elles étaient vraiment utilisées au sens où la Méditerranée entre. Voilà bien longtemps que l'espace est connu et que les marins naviguent. Ils naviguent par connaissance. Pourquoi produire des cartes de la Méditerranée ? Quelle utilité ? Les cartes marines, c'est un objet très curieux parce qu'il apparaît justement, donc peut-être au XIIe, surtout au XIIIe siècle, dans un espace qui est effectivement très fréquenté, où la navigation de cabotage existe depuis l'Antiquité. Homère en parle très bien dans l'Odyssée, mais c'est un espace où on peut se perdre assez facilement. Mmh. Et les témoignages que l'on peut avoir dès la fin du XIIIe siècle, par exemple la traversée de Saint-Louis pour aller en croisade, montrent que c'est un nouvel objet technique qui intrigue les marins et qui peut faire peur aussi parfois, mais qui est exhibé lorsque le bateau se perd sa route. Et cette image de la Méditerranée reconstituée, alors on ne sait pas trop comment, mais à partir là aussi d'une synthèse de connaissances locales, eh bien, cette image de la Méditerranée devient un outil extrêmement utile à bord des bateaux pour se repérer lorsque la navigation par mémoire de cabotage qui repose sur les connaissances des pilotes ne suffit pas. Donc on a véritablement l'apparition d'un nouvel objet technique qui n'est pas adopté immédiatement. On voit bien qu'il y a des réticences dans l'équipage, mais qui à partir du XVe siècle est extrêmement courant à bord des navires. Et ça, cet objet technique qui est la carte s'accompagne d'autres objets. C'est-à-dire que nous sommes ici dans une économie beaucoup plus large que la simple production de papier. Il y a ces outils, le sextant. C'est une économie globale de la carte, Franck Lestringant. Oui, on pourrait peut-être ajouter aussi, à propos de la Méditerranée, les cartes imprimées. Il y a les cartes de Benedetto, de Bartolomeo d'Alisonetti. Bartolomeo d'Alisonetti. Donc c'est un atlas de cartes avec des sonnets explicatifs. Les légendes sont des sonnets comme des sonnets en italien. Et on a conservé quelques exemplaires de cet atlas avec des quantités de notes manuscrites. C'est-à-dire que la carte est très simple, les cartes d'îles sont très simples, ce sont des cartes d'îles de la Méditerranée. C'est un genre qui s'est répandu tout au long des 15e et 16e siècles. Et autour de ces cartes très simples, on a des quantités d'inscriptions manuscrites qui viennent meubler la carte. Et alors, c'est pas seulement des marchands, on a évoqué les marchands tout à l'heure, mais c'est des militaires. Des Vénitiens, par exemple, qui conquièrent des îles, qui conquièrent des postes sur les Turcs. Donc, ça répond à des objectifs de guerre. Objectif de guerre, militaire. Objectif marchand, nous voyons bien toujours des motivations très humaines dans la création de ces cartes. Et puis, quand il est question de la mise en place de ces cartes marines, eh bien, se pose aussi la question de l'héritage antique. Hélas, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent. Connaissez-vous bien les travaux d'Aristote, d'Ératosthène, de Ptolémée ? Oui, Éminence. Alors, vous n'ignorez pas que d'après leurs calculs, la longueur de la circonférence de la Terre est approximativement de 22 000 lieues, si ce n'est plus, ce qui rend l'océan infranchissable. Mais bien sûr, vous avez sans doute de nouvelles données prouvant que ces hommes de savoir se sont lourdement fourvoyés. Vos excellences connaissent-elles les déclarations de marins de tir ? Mais oui. Dans ce cas, vous savez aussi que ces thèses contredisent Ptolémée. De Tyr pense que l'océan ne fait que 750 lieues. Toscanelli, le Florentin, et le cardinal français Pierre d'Ailly tiennent tous les deux pour juste les calculs de marins de Tyr. Par conséquent, la mer Océane peut être traversée. Silence ! Silence, messire. Gérard Depardieu et Christophe Colomb dans le film de Ridley Scott en 1992. L'occasion de rappeler encore une fois dans cette émission qu'au Moyen-Âge, l'idée que la Terre est ronde est une évidence aussi. Bien sûr. Le rappeler sans cesse. Donc merci de le rappeler. Il n'y a pas de problème. Emmanuel Vagnon, nous entendons dans l'extrait du film de Ridley Scott ses références à d'autres cartes de l'Antiquité. Est-ce que ces débats étaient possibles? Est-ce que ces débats existaient? Des questionnements? Lui dit ceci, lui dit cela. Oui, ces débats ont été absolument réels et ont considéré l'Antiquité comme un réservoir de connaissances géographiques qui ont été un peu éclipsées pendant la première partie du Moyen-Âge, qui ont été largement retrouvées, exploitées à partir du XIIe, XIIIe siècle et encore plus au XVe siècle lorsque la géographie de Ptolémée est traduite en latin au début du XVe siècle. Alors Ptolémée devient la référence antique par excellence du débat sur les connaissances géographiques. mais associée aux autres connaissances issues du Moyen-Âge. Donc il ne faut pas avoir de contradiction non plus hein, entre un Moyen-Âge justement qualifié d'obscurantiste, etc. et puis une Renaissance au XVe siècle grâce à Ptolémée qui est en fait une résurgence de l'Antiquité. Finalement, il y a eu sans cesse des débats pour concilier différentes sources de connaissances géographiques. Et du point de vue des cartes marines, le canevas qui est utilisé sur les cartes marines, c'est un canevas fondé sur la boussole, avec des directions des vents, de 8 vents principaux jusqu'à 32 subdivisions. Ce canevas n'est pas du tout ptoléméen, mais lorsque la géographie de Ptolémée est traduite, avec son système de coordonnées géographiques en latitude et longitude, les cartes marines font la synthèse des deux systèmes pour y intégrer des nouvelles terres. Dans le débat de Christophe Colomb avec ses contradicteurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fonde sur des autorités antiques, savantes, tout en étant lui-même navigateur, et qu'il utilise l'argument de marin de tir, mais marin de tir est antérieur à Ptolémée, et Ptolémée contredit marin de tir. Donc, impossible de savoir. Oui, c'est que Colomb avait tort, et s'il n'avait pas eu tort, il ne serait jamais parti. Oui. Enfin, voilà. Christophe Colomb, pour argumenter et soutenir son projet d'expédition, préfère le choix de marin de tir que Ptolémée lui conteste. Donc c'est tout à fait intéressant de voir effectivement que ce débat qui est fictif hein, évidemment l'entrevue là elle est reconstituée pour les besoins du film mais le débat a eu lieu véritablement et Christophe Colomb a étudié en effet Pierre Dailly. On a le manuscrit annoté par Christophe Colomb. Pierre Dailly, c'est un érudit du XVe siècle qui a étudié Ptolémée et qui essaye de comprendre s'il existe d'autres espaces terrestres et effectivement, quelle est la mesure réelle de la Terre. Donc Christophe Colomb a réussi son expédition en partant d'une hypothèse fausse. Oui. Voilà, mais comme quoi l'erreur hein, parfois est bénéfique. Et alors une cinquantaine d'années plus tard, Guillaume Le Testu, né au Havre, eh bien lui aussi se lance dans des explorations. Il nous offre cet atlas absolument sensationnel, mais justement il est porteur d'énormément de connaissances. D'où lui viennent-elles ? Alors, sans doute des... En partie des Portugais, comme je disais tout à l'heure, hein, de la cartographie portugaise, de la cartographie nautique des Portugais, et sans doute, des Normands, des navigateurs normands. Les Normands, à l'époque, vont dans des régions du monde qui sont peu connues. Les expéditions, quand la France essaye de s'installer au Brésil en 1555 pour fonder la France antarctique, l'expédition part du Havre ou de Dieppe. Et puis, quand Parmentier va en Insulinde, ce qui deviendra l'Indonésie plus tard, il part de Dieppe. Donc, il y a un foyer de connaissances, mais des connaissances qui viennent parfois d'ailleurs, qui viennent du Portugal ou de l'Espagne ou même d'Italie. Bien sûr, il y a une circulation du savoir cartographique. Et l'Italie aussi joue un rôle essentiel à la Renaissance et dans la découverte de l'Amérique aussi. Vespucci, Colomb hein, sont des Italiens. Et puis avec Guillaume Le Testu, nous avons affaire à un corsaire. Alors oui, c'est important. Il faut rappeler quand même que Le Testu a été tué en 72, donc l'année de Saint-Barthélemy, mais pas du tout en France, pas du tout lors des massacres des guerres de religion, mais lors d'une expédition qu'il menait avec Francis Drake, c'était un associé de Francis Drake, dans l'isthme de Panama. Il essayait de mettre la main sur l'argent du Potosi. Et il a été tué dans l'expédition, et Drake a continué ses aventures et sa carrière de corsaire au long cours. Bien justement, je vous propose un autre aventurier, Alain Bombard, qui raconte cet épisode à Drake, Le Testu. Il trouve un mouillage qu'il appelle le port des faisans, qui est une baie cachée par les arbres qui descendent jusqu'à la mer, où on peut entrer avec ses deux petits bateaux, non seulement avec ses deux petits bateaux, mais en plus avec les quatre pinasses, il a quatre espèces de canaux, et c'est avec cela qu'il va livrer ses attaques. Il va s'attaquer absolument comme un moustique à des mastodontes, et il va remporter des succès extraordinaires, si bien que peu à peu, le magot s'entasse au port du faisan. Alors, il conçoit à ce moment-là une expédition vers l'endroit où est déposé le trésor qui doit partir avec la prochaine flotta, c'est-à-dire à Nombre de Dios. Et il arrive à Nombre de Dios avec ses 50 hommes, et à Nombre de Dios, il tombe sur le trésor. Et oui, il y a là les 500 tonnes de lingots d'argent. Mais 500 tonnes de lingots d'argent, c'est pas commode à emporter. Alors, il se dit qu'il n'est pas possible, qu'avec les lingots d'argent, il n'y ait pas autre chose, et des choses plus facilement monnayables, des bijoux, des pierres précieuses. Alors il cherche dans la ville, il met la ville à sac, et il ne trouve rien, il est blessé à la jambe, et il doit se retirer c'est un échec. Aïe, c'est un échec. Le trésor de Drake, raconté par Alain Bombard dans l'émission Il était une fois l'homme, c'était en 1979 sur FR3. Il y a de ça aussi dans cette histoire des cartographes Franck Lestringant. Énormément de vie, d'exploration. Ce ne sont pas des copistes enfermés dans leur salle. Non, Guillaume Le Testu, alors on a dit qu'il était chef d'expédition, il conduit l'expédition qui va au Brésil, où est fondée la France Antarctique, mais on dirait que c'est aussi un corsaire, il s'attaque aux Espagnols, bien sûr, à ceux qui lui barrent la route, donc il a une vie aventureuse, et puis il est tué lors d'une expédition où il essaye de mettre la main sur l'argent qui vient du Potosi. Alors, l'argent qui venait du Potosi, qui venait d'Amérique du Sud, passait par l'isthme de Panama, il fallait donc à dos de mulet, en quelque sorte, à traverser l'isthme, et puis, donc Le Testu débarque sur la côte nord, sur la côte caraïbe, et puis avec son associé anglais, et puis il est tué lors de la retraite. Voilà, c'est un échec, effectivement, comme le disait Alain Bombard à l'instant. Et justement, dans ces cartes ici, nous avons des histoires d'argent, parce que c'est ça qui est un peu au cœur de ces questions, de ces productions. Emmanuel Vagnon, ces cartes sont précieuses, j'imagine, parce qu'elles renferment le savoir, mais le savoir qui permet d'accéder aux terres pleines de richesses. Affaires d'État. À partir du XVIe siècle, c'est certainement une affaire d'État. C'est-à-dire que il y a des cartographes officiels, hein, pilotes majeurs en Espagne, au Portugal, qui sont au service de la couronne, ou bien cosmographes royaux en France. Oui, les cartographes, les pilotes principaux sont utilisés par les pouvoirs, pour les puissants de cette époque-là, pour cartographier les nouveaux espaces et pour prévoir des nouvelles expéditions. Au Moyen-Âge, c'est plus confus quand même. On n'a pas de manière aussi nette des cartographes au service des souverains pour préparer des expéditions. Ce sont plutôt des cartes de la Méditerranée qui sont copiées selon une tradition quand même qui commence à être bien établie au XIVe siècle et qui permettent d'enregistrer finalement des espaces qui sont fréquentés mais déjà très très connus. C'est vraiment à partir du moment où on sort de la matrice méditerranéenne que ces cartes deviennent des enjeux stratégique important, absolument. Et justement, dans les transferts culturels et dans simplement l'économie de la carte, il est possible d'identifier ce fonctionnement de copie avec des enrichissements sans cesse. Il y a un commerce, ça vaut très cher une carte comme ça ? Alors, il y a eu des études précises sur le prix des cartes au Moyen-Âge et on a vraiment toutes sortes de prix. Il existe des cartes qui ne valent que quelques sous et que l'on peut trouver dans l'inventaire après décès d'un marchand ou d'un marin, voilà, d'un certain port. Et puis, il y a des cartes qui coûtent des centaines de livres, donc de pièces d'or, et qui sont destinées cette fois à des commanditaires extrêmement prestigieux. Et tout dépend de l'ornementation de la carte, car en réalité, dans les exemplaires qu'on a conservés, le tracé des côtes de la Méditerranée ne change pas énormément entre le XIVe et la fin du XVe siècle. En revanche, l'ornementation, c'est ça qui fait le prix de la carte, et aussi certainement le prestige du chef d'atelier, du cartographe. Donc on connaît des dynasties de cartographes, les Cresques à Majorque par exemple, qui vendaient très cher leurs cartes, absolument. Mais finalement, ces cartes sont de styles très différents et puis de prix extrêmement différents aussi. Et puis le prix vaut par rapport au fait qu'elle soit récente ou non, parce qu'une carte ancienne n'a plus tellement d'utilité en soi. Alors pour les cartes méditerranéennes, bon ben là ça ne bouge pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a cet effet-là de la carte usée qu'on jette ou parce qu'elle est périmée, pour le dire autrement ? Alors c'est compliqué, oui. Oui, c'est quelque chose. C'est assez compliqué dans la mesure où une carte a une valeur historique, donc elle peut être chère justement parce qu'elle est ancienne, bien entendu. Néanmoins, il y a aussi des cartes usagées qui étaient utilisées ensuite réutilisées comme reliure pour des actes notariés. Ce sont des cartes qui étaient donc jugées obsolètes, même si parfois elles sont enluminées, ce qui pour nous est extrêmement choquant de trouver une carte enluminée chiffonnée pour faire une reliure d'actes notariés. Mais les découvertes plus récentes, dans ces dernières années, de nouvelles cartes datant du XIVe siècle sont des cartes qui étaient utilisées, qui étaient réutilisées pour la qualité du parchemin et non pas du tout pour leur qualité géographique. Parce que la carte, effectivement, n'avait vocation qu'à être nouvelle. Enfin, la carte la plus recherchée, je pense, ce n'était pas une carte qui avait été produite. Ça dépend. Il y a, en fait, toutes les cas sont possibles. On trouve, par exemple, chez Coronelli, qui est un cartographe du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, on trouve des reprises de cartes du XVIe siècle, du XVe même, de Buondelmonti, des cartes très anciennes qui sont reprises à cause de leur beauté, de leur précision apparente. Et la valeur historique, parce qu'on peut en tirer des informations. Voilà. Aussi. Et puis, nous parlons beaucoup de cartes, mais vous l'avez souligné, Emmanuel Vagnon, ces cartes étaient souvent accompagnées de textes, car la carte peut être aussi écrite. La littérature est là, présente. Le 26e du mois d'octobre trouvâmes une île non habitée, laquelle de prime face voulions nommer île des oiseaux, pour la grande multitude d'oiseaux qui sont en cette dite île. Mais recherchant en nos cartes marines, la trouvâmes avoir été quelque temps auparavant découverte par les Portugais et nommée île de l'Ascension, car c'est en ce jour-là qu'ils y avaient abordé. Daniel Koenigsberg qui lisait un extrait des singularités de la France antarctique d'André Tevel. Alors là, nous nous trouvons au milieu du XVIe siècle, dans les années 1550. Dites-nous, Fante-Lestringhan, il y a ici de la littérature, de voyage, c'est du récit de voyage, c'est un genre aussi qui se met vraiment bien en place. Oui, c'est un genre qui a été créé. Alors, Tevel a écrit a publié un certain nombre d'ouvrages sous son nom, qui sont en fait faits par des scribes, hein, des scribes anonymes souvent, qui ont copié, qui connaissaient le grec, qui connaissaient le latin évidemment, et qui ont copié, qui ont assemblé ces textes pour lui. Donc, le voyage, c'est la littérature, si on veut, pour nous. Je suis professeur de littérature, j'ai fait ma thèse sur André Tevel, donc voilà, c'en est la preuve. Mais il se donne lui-même comme cosmographe, comme quelqu'un qui a navigué. Il prétend qu'il a navigué plusieurs années durant. Il est allé au Brésil, quand même. Il est allé en personne au Brésil, dans l'expédition de Gilles Gagnon, qui a fondé la France antarctique dans la baie de Rio de Janeiro. Donc, TV prétend avoir des connaissances nautiques et des connaissances cartographiques. Et il publie de son vivant toute une série de cartes dont la plupart ont disparu. Et son dernier ouvrage aurait dû être un grand insulaire et pilotage, c'est-à-dire un atlas de toutes les îles du monde. Toutes ces îles seraient divisées à 300 alors qu'il y en a peut-être 30 000. Hein. C'est une vision très réduite. Mais il y a donc... Il devait y avoir 300 cartes d'île pour cet atlas qui n'a jamais été imprimé. Mais les cartes ont été gravées et il y a des cartes tout à fait extraordinaires. La première carte des îles Malouines, par exemple, qui date donc de 1580 environ, et qui a été faite, taillée, gravée pour André Tevel. C'est un bonheur, hein, de toute façon, de se plonger oui. dans cet univers, parce que ces cartes, nous l'avons bien compris, nous racontent en fait une vision particulière du monde, plus ou moins riche, mais surtout les représentations, faut chercher tous les détails. On parlait tout à l'heure d'image globale du monde, mais là on a une image morcelée dans l'insulaire. Image morcelée, mais à explorer l'âge d'or des cartes marines, hein. Vous l'avez co-dirigé, Emmanuel Vagnon, merci vivement à vous de nous avoir raconté toutes ces cartes, cartographie et représentation occidentale de l'océan méditerranéen. Cette plongée magique dans la cartographie, on la retrouve aussi avec vous, Franck Lestringhan. Merci beaucoup, et notamment la cosmographie universelle de Guillaume Le Testu. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, une émission également préparée par Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. L'histoire à la carte, c'est donner le monde à voir et c'est porter un regard sur le monde.